suis dans l'espace là. Tu me reçois 5 sur 5. Yeah. Fiancion. Allez, bouge tes hanches, miss. C'est son l'été celui-là. Qui me parle, qui me cause en pleine action, je mets pas pause en sifflerie, je fais pas trop, trop drap, trop drap, je fais une overdose sur le droit techno, Roteki et Fienso, eux c'est qui testent à longueur de journée, veulent exploser, s'imposer, m'arroser, la foutue merde bouger, dans le 11 septembre se renouveler, je suis dans l'espace qui veut prouver. Putain, je me suis perdu, je suis où là? Vas-y, pas grave, on continue. Le vaisseau spatial va atterrir sur le champ. Je reviens quand, sachez pas, dans longtemps, ils savent pas qui je suis, parle pas autant. Moi, tu s'en veux pas, pauvre enfant. Cinéma, flot dansant, sur iPad, il est insolent. On n'oublie pas, je me barre en chantant. Et je t'entends, tu dis que mon frère est mon frère, la doudou. Je sais pas quand est-ce que t'as fou. Yeah! Alors, c'était lourd ou pas? Je vous ai pas oublié les gens, ceux qui soutiennent, hein. Wesh PCK, wesh Foulek, wesh Nixon, enfoiré, wesh Laura, wesh Shayna, wesh Baby Chou, wesh Chou, wesh Samy, enfoiré le canard, hein. Wesh Blazing, wesh Keros, wesh Sébastien, wesh Stéphane Robinho, wesh Léo le fou, wesh CM la folle, wesh princesse Lily la cousine, wesh meurtrier d'État, NA2S, Metaflo, Mirsal, Elbi, Hakim, Tissofienne, Anthony, je vous ai pas oublié.